Psaume 76. Psaume d'Asaph, cantique donné au maître chantre, pour le chanter sur Néguinoth. Dieu est connu en Judée, sa renommée est grande en Israël. Et son tabernacle est en Salem, et son domicile en Sion. Là il a rompu les arcs étincelants, le bouclier, l'épée et la bataille, c'est là. Tu es resplendissant, et plus magnifique que les montagnes de ravage. Les plus courageux ont été étourdis, ils ont été dans un profond assoupissement, et aucun de ces hommes vaillants n'a trouvé ses mains. Ô Dieu de Jacob, les chariots et les chevaux ont été assoupis quand tu les as tensés. Tu es terrible, toi, et qui est-ce qui pourra subsister devant toi, dès que ta colère paraît? Tu as fait entendre des cieux le jugement, la terre en a eu peur, et s'est tenue dans le silence. Quand tu te levas, ô Dieu, pour faire jugement, pour délivrer tous les débonnaires de la terre, c'est là. Certainement la colère de l'homme retournera à ta louange, tu garrotteras le reste de ces hommes violents. Vouez, et rendez vos vœux à l'Éternel, votre Dieu, vous tous qui êtes autour de lui, et qu'on apporte des dons aux redoutables. Il retranche la vie des conducteurs, il est redoutable au roi de la terre.